أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لالونج تاديو سينيور ديز يونيفير. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء والمرسلين. Et la prière et les salutations soient pour l'émir des prophètes et des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs en islam. نتابع دروسنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On va poursuivre nos cours de la biographie du prophète, paix soit sur lui. وقد وقفنا في المرة الماضية, nous nous sommes arrêtés pendant la dernière fois, عند قوله صلى الله عليه وسلم, à sa parole prophétique, أنا ابن الذبيحين, je suis le fils des deux sacrifiés, يعني إسماعيل عليه السلام وأبيه عبد الله, ça veut dire إسماعيل paix soit sur lui, et son père عبد الله. وذلك بعد قصة النذر الذي قام به جده عبد المطلب. Et ceci a eu lieu après la promesse tenue par son grand-père عبد المطلب بذبح أحد أبنائه عند الكعبة. La promesse consistait à sacrifier l'un de ses fils à côté de la Kaaba. إن صار له عشرة أبناء, dans le cas où il aura dans l'avenir 10 fils. وأخرجت القرعة اسم عبد الله, et le tirage au sort désigna le nom de Abdullah. ورأينا كيف ذبح مكانه مئة من الإبل. Nous avons vu comment il a égorgé à la place de son fils 100 chameaux. وَوَصَلَ عَبْدُ اللَّهِ سِنَّ الزَّوَاجِ. Et Abdullah atteignit l'âge du mariage. وَكَمَا قُلْنَا فَقَدْ كَانَ أَعَزَّ الْأَوْلَادِ عِنْدَ أَبِيهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ. Et comme on l'avait dit la dernière fois, Abdullah était le plus aimé et le préféré des enfants de Abdul Muttalib. C'est-à-dire Abdul Muttalib aimait plus Abdullah par rapport à tous les autres. Wa kana ajmal ash-shabab fi Makkah. Et il fut le plus beau des jeunes de la Mecque. A'tahu Allah jamal al-khuluq wa jamal al-khilqa. Dieu le Très-Haut lui offrit la beauté morale et la beauté physique à Abdullah. فكل من رآه أحبه. Toute personne qui le voyait l'aimait par la suite. وإعلموا أيها الإخوة والأخوات. Sachez mes frères et mes sœurs, أن جمال الوجه يحتاج إلى جمال الخلق والدين. Sachez que la beauté du visage, la beauté physique, a toujours besoin de la beauté morale, de la beauté du caractère et de la religion. فجمال الخلق والدين يحمي جمال الوجه. La beauté du caractère, la beauté de la religion protège la beauté du visage. أما جمال الوجه وحده فلا يفيد شيئا. Tandis que la beauté du visage seule ne sert pas à grand chose. فمن عنده جمال الوجه وليس له جمال الخلق فهو عريان. Celui qui a la beauté du visage, la beauté physique, mais il n'a pas la beauté du caractère, il est nu. غطاء كل شيء خارجي. La couverture de toute chose est extérieure par rapport à la chose. وغطاء جمال الصورة داخلي. Et la couverture de la beauté d'image la beauté physique, sa couverture est intérieure, n'est pas extérieure. وَإِذَا أَرَدْتَ رُؤْيَتَهُ فَانْظُرْ إِلَى الطَّبْعِ. Et si tu veux voir cette couverture intérieure, regarde le caractère, le comportement de la personne. لِهَذَا وَصَّانَ الْإِسْلَامُ عِنْدَ الْإِخْتِيَارِ لِلزَّوَاجِ أَوْ الصُّحْبَةِ. Raison pour laquelle l'islam nous a conseillé lors du choix pour le mariage ou l'amitié de choisir quelqu'un comme ami. أَنَّخْتَارَ صَاحِبَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ. Qu'on choisisse celui qui a la bonne religion et le bon caractère. مَاذَا تَفْعَلْ بِجَمِيلٍ أَوْ جَمِيلَةٍ وَهُوَ عِفْرِيتٌ أَوْ عِفْرِيتَةٍ. Que vas-tu faire d'un beau ou d'une belle qui se comporte comme un diable ou une diablesse? سَيُرْسِلُكَ إِلَى مُسْتَشْفَى الْأَمْرَضِ الْعَقْلِيَةِ. Il va t'envoyer vers un asile psychiatrique. سَيُخْرِجُ لَكَ الشَّيْبَ قَبْلَ الْوَقْتِ. Il va te faire sortir les cheveux blancs ou gris avant terme. كَمْ مِنْ وَجْهٍ جَمِيلٍ يُغَطِّي أَفْعَى. Combien de beaux visages, combien d'un visage beau, mais qui cache une vipère. À l'intérieur, il s'agit d'un caractère d'une vipère, mais seulement il est caché par une image belle. Tu vois la beauté, mais cette beauté cache une vipère. أو تعلم combien de beauté qui cache un renard. أو ذئب combien de beauté cache un loup. لا تنظر إلى جمال الصورة. Ne regarde pas la beauté de l'image, du visage. وتقع على وجهك. Et comme ça tu tombes sur ton visage. إنه ابتلاء لك. Il s'agit d'une épreuve pour toi. انظر إلى جمال الأخلاق. Regarde surtout la beauté du caractère. أما جمال الصورة فيغر. Tandis que la beauté du visage induit en erreur. Celui qui veut choisir trompe, est un piège qui trompe celui qui veut faire un choix. إذا كنت من عشاق الجمال. Si tu fais partie des amateurs de la beauté, فبحث عن جمال القلب. Cherche la beauté du cœur. لا تفعل كالخلق الذين ينظرون إلى جمال الصورة. Ne fais pas comme les créatures qui ne cherchent que la beauté de l'image extérieure. ولكن افعل كالخالق الذي ينظر إلى القلب. Mais fais comme le créateur qui regarde la beauté du cœur. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. Pour cette raison, le prophète, paix soit sur lui, كان كلما نظر إلى المرآة. À chaque reprise où il se voyait dans une glace, يقول, il disait, اللهم أنت حسنت خلقي. Ô mon Seigneur, c'est toi qui as embelli mon corps ou mon visage. فحسن خلقي. Embellis mon caractère. وحرم وجهي على النار. Et interdit mon visage aux flammes de l'enfer. كان صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من حسن الخلق. Le prophète, paix soit sur lui, demandait plus encore du bon comportement, du beau caractère, avoir plus encore. رغم أن الله قال له. Malgré que Dieu lui a dit, وإنك لعلى خلق عظيم. Certes, tu jouis d'une très haute moralité. هناك من أعطاه الله جمال الخلق فقط. Il y a des gens auxquels Dieu subhanahu wa ta'ala a accordé, a donné la beauté du caractère uniquement. وهناك من أعطاه الله جمال الخلق فقط. Et il y a des gens auxquels Dieu subhanahu wa ta'ala a donné la beauté physique uniquement. وهناك من أعطاه الله جمال الخلق وجمال الخلق. Il y a des gens auxquels Dieu subhanahu wa ta'ala a accordé la beauté morale et la beauté physique. Il leur a donné les deux. Wa Abdullah, Abu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a'tahu Allah al-ithnayn. Et Abdullah, le père du prophète, paix soit sur lui, Dieu lui a accordé les deux, la beauté physique et la beauté morale. لهذا دافعت عنه قريش لما أراد عبد المطلب ذبحه. Raison pour laquelle toute Quraysh prit sa défense lorsque son père voulut le sacrifier à côté de la Kaaba. فكان كل المكيون يحبونه. Tous les Mekwa, les mères. وخصوصا النساء. Et surtout les femmes. فكانت كل النساء تتمنى الزواج به. النساء الغير متزوجات. Toutes les femmes mariées souhaitèrent l'avoir comme mari. Non mariées. Toutes les femmes non mariées souhaitèrent l'avoir comme mari. وكم من امرأة راودته عن نفسه. Et combien de femmes, les livres d'histoire racontent que combien de femmes lui a fait des avances. بمعنى إذا لا تريد الحلال فعلى الأقل الحرام. Ça veut dire si tu ne veux pas faire le licite, le mariage, au moins on fait l'illicite. وكان عبد الله يرفض. Et عبد الله refusait toujours. لأن جماله الداخلي. Parce que sa beauté intérieure كان يحفظ جماله الخارجي. Sa beauté intérieure préserver sa beauté extérieure. Sa beauté intérieure était le gardien de la beauté extérieure. C'est pour ça que j'ai dit au début, la beauté extérieure sans ce gardien, la beauté intérieure ne suffit pas. قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète paix soit sur lui dit: من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Parmi les sept qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, rajulun da'athum ra'a, un homme qui a reçu les avances d'une femme, qui a été invité par une femme, dhatu malin wa jamal, qui a une beauté et une richesse, faqala inni akhafu Allah rabb al-alamin, et il répondit: non, je crains mon Seigneur, ou je crains Allah qui est le Seigneur des univers. وعبد الله أعطاه الله أخلاق إسماعيل عليه السلام. عبد الله, Dieu lui a donné le caractère d'Ismaël, son grand-grand-père, son derrière-grand-père Ismaïl, paix soit sur lui. أطاع أباه لما أراد عبد المطلب ذبحه. Il a obéi à son père عبد المطلب lorsqu'il a voulu l'égorger. كما فعل إسماعيل مع أبيه إبراهيم alayhi salam, exactement comme Ismaël a fait avec ou se a agi devant son père paix soit sur lui lorsqu'il a voulu le sacrifier. Wa a'tahu Allah jamal wa iffata Yusuf alayhi salam, et Dieu lui a donné la beauté et la chasteté de Joseph paix soit sur lui. Fa kana yarfudu 'urud nisa'i Makkah, il refusait en bloc les propositions des femmes mekkoises. Qa'ilan hadha ash-shi'r, en répétant ce poème. أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. أما الحرام فالممات دونه. En ce qui concerne l'illicite, il y a entre moi et lui la mort, c'est-à-dire je préfère mourir que commettre l'interdit. وَالْحِلُّ لَا حِلَّ فَأَسْتَبِينُهُ. Pour le licite, ou bien le licite est inexistant pour que ou pour pouvoir le faire. فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ, que dire de l'acte que tu préfères. يَحْمِي الْكَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ, le noble préserve sa religion et son honneur. إنه من السلالة الطاهرة. Il fait partie de la lignée pure. من السلالة الإبراهيمية الإسماعيلية, de la lignée ibrahimique et ismaïlique. Soulelet al-Shurafa ou al-Anbiya, la lignée des nobles et des prophètes. Min al-Soulel allati satu'ati al-Tahira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il appartenait à la lignée qui va donner le pur et le noble Muhammad, paix et salut sur lui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ô notre Seigneur, que tes prières soient sur notre maître Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ô notre Seigneur, que tes prières et salutations soient pour notre maître Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô notre Seigneur, que tes prières, salutations et bénédictions soient sur notre maître Muhammad. Rajulun min hadha al-tiras. Un homme de ce modèle, ka'abdillah comme Abdullah, la budda an yatazawwaja imra'atan min mustawa. Il est nécessaire pour lui de se marier avec une femme de son niveau. Man hiya hadhihi al-mar'a? Quelle a été cette femme? Wa man alladhi sayuzawwijuhu? Et qui va le marier avec cette femme? Al-mar'a hiya amina. La femme est Amina. Walladhi sayuzawwijuhu huwa abuhu Abdul Muttalib. Et celui qui va le marier avec cette femme est son père Abdul Muttalib. Abuhu ikhtara lahu Amina. Son père choisit pour lui Amina. لماذا؟ Pourquoi؟ الجواب لأنها كانت أفضل نساء مكة. Parce qu'elle était la meilleure de toutes les femmes de la Mecque. وأشرف نساء مكة. Elle était la plus noble de toutes les femmes mécoises. وأطهر نساء مكة. Et était la pure ou la plus pure de toutes les femmes mécoises. Et elle avait le meilleur lignage, les meilleures origines par rapport à toutes les femmes de la Mecque. Fa al-Tahir, al-Sharif, Abdullah, donc le pur, le noble, Abdullah, yatazawwaj bi-Tahira al-Sharifa Amina, va se marier avec la pure et la noble Amina, liyu'tiya al-Tahir al-Sharif Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, afin de donner le noble, le pur Muhammad, paix soit sur lui. Wa qabla al-kalam 'an Amina wa 'a'ilatiha wa nasabiha atrahu su'alan. Avant de parler de Amina, sa famille, son lignage, je pose une question. هل يعقل أن يزوج الأب ابنه؟ Est-il concevable qu'un père marie son fils؟ نعرف في الإسلام وفي العادات العربية. On sait, on connaît en islam et dans les pratiques arabes, dans les habitudes, les traditions arabes, أن الأب يزوج ابنته, que le père marie sa fille, bien sûr, avec son accord, avec son plein accord. On ne peut pas forcer une fille à se marier avec quelqu'un qu'elle n'accepte pas. La question qui se pose, est-ce que le père marie aussi son fils? La réponse. كانت هذه العادة موجودة في الماضي. Cette pratique, cette habitude existait dans le passé. وإن لم تكن شرطا إسلاميا. Même si celle-ci n'est pas une condition islamique. فالإسلام يشترط الأب أو الولي وموافقته بالنسبة للبنت. L'islam impose la condition du père qui s'appelle le tuteur et son accord pour le mariage d'une fille, pour sa fille. وَلَا يَشْتَرِطُ الْوَلِيَّ لِلْوَلَدِ. Mais l'islam n'impose pas la condition d'un tuteur pour l'homme lorsqu'il veut se marier, pour le fils lorsqu'il veut se marier. وَهَذِهِ الْعَادَةِ قد صارت شبه غائبة أو غائبة تماما اليوم. Cette pratique, cette habitude est presque absente ou totalement absente à nos jours. لأنه لما ابتعدنا عن الإسلام, parce que lorsqu'on s'est éloigné de l'islam, في القرون الماضية, dans les siècles passés, وقعت أخطاء كثيرة. Il y a eu beaucoup d'erreurs, تسببت في مشاكل كبيرة, qui causèrent de vrais problèmes. أعرف رجلا صيدليا. Je connais un homme pharmacien. زوجه أبوه وأمه. Et c'est son père et sa mère qui l'ont marié بامرأة من عائلته, avec une femme de sa famille. وولد معها أربعة. Et il a eu avec cette femme 4 enfants. صاروا كبارا الآن. Ils sont tous adultes aujourd'hui. فلما مات أبوه وأمه, après le décès de son père et de sa mère, قال لزوجته, il a dit à sa femme, أنا لم أحبك يوما واحدا. Je ne t'ai jamais aimé, même un seul jour. ولكن تزوجت بك حياء من أبي وأمي. Mais je t'ai accepté comme mari ou comme femme que par pudeur vis-à-vis de mon père et de ma mère. والآن أفارقك. Et maintenant je te quitte parce qu'il n'y a plus mon père, il n'y a plus ma mère. وقعت أخطاء كثيرة. Il y a eu beaucoup d'erreurs. تسببت في مشاكل كبيرة qui causèrent beaucoup de problèmes. مما دفع إلى ثورة الشباب في هذا العصر. Ce qui a poussé à une révolte des jeunes à notre époque. وصار الابن الآن لا يرضى أن يزوجه أبوه. Actuellement, le fils n'accepte pas que son père le marie. فهذا عار أمام أصحابه. Il s'agit de la honte devant ses amis. وإذا كان هذا مقبولا لأنه لا يعارض الإسلام. Et si ceci est acceptable parce qu'il ne s'oppose pas avec l'islam, فالمصيبة أن هناك بنات صرنا لا يرضين أن يزوجهن الأب. Maintenant le malheur c'est que à côté il y a des filles qui n'acceptent plus d'être mariés par leur, ça veut dire par le biais de leur père. فهذا عار لهن, parce qu'il s'agit d'une honte pour elles. فلما ابتعد الآباء عن الإسلام, lorsque les parents se sont éloignés de l'islam, ردة فعل الأبناء كانت ابتعادا أكثر عن الإسلام. La réaction des jeunes ou des enfants était s'éloigner encore plus de l'islam. وأقول هنا, et je dis là, mes frères et mes sœurs, بأن الإسلام لم يعطي لأي أب الحق في فرض زوج على ابنته. L'islam n'a jamais donné à n'importe quel père le droit total d'imposer un mari à sa fille. Je répète, l'islam n'a jamais donné le droit à un père de forcer sa fille pour qu'elle se marie avec un homme. Jamais l'islam ne lui a donné ce droit. L'islam, il a dit, il est nécessaire, obligatoire, que la fille donne son accord pour le mariage. ورضاها et son agrément. ومن فعل هذا فهو ظالم. Celui qui oblige sa fille à se marier avec quelqu'un par force, il s'agit là d'un père injuste devant Dieu subhanahu wa ta'ala. فهو من الظالمين. Il fait partie des injustes. أما زواج الأب لابنه في فجر الإسلام فكان حسنا. En ce qui concerne le père qui mariait son fils à l'aube de l'islam, était une bonne chose. لأن الابن كان يتزوج صغيرا بمعدل 18 سنة. Le fils se mariait à un âge où il était encore jeune, une moyenne d'âge de 18 ans. فكان يستفيد من حكمة وتجربته وتجربة أبيه. Et il profitait de la sagesse et de l'expérience de son père. والأب لم يكن يفرض. Le père n'imposait pas. بل يقترح الأولى والثانية حتى يقبل الولد. Le père proposait la première, la deuxième, jusqu'à ce que le fils accepte. فكان هناك استشارة وتوافق. Il y avait à l'époque une consultation et un accord. من غير فرض ولا إجبار, sans imposition ou force. وكان هناك تكامل. Il y avait une complémentarité. فالابن يرى الجمال الخارجي. Le fils voyait la beauté extérieure. والأب بتجربته يرى للجمال الداخلي. Et le père, avec sa sagesse, avec sa piété, avec son expérience, regardait la beauté intérieure. أما الآن, tandis que maintenant, فالولد الذي يختار بنفسه زوجته, le fils qui choisit lui-même sa femme, حسب الضوابط النبوية, selon les critères prophétiques, فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجه. Donc c'est le prophète lui-même, paix soit sur lui, qui le marie, parce qu'il a suivi les traces et les critères donnés par le prophète, paix soit sur lui. ولكن هذا لا يعني أن نلغي استشارة الأب أو الصالحين. Ceci ne signifie pas qu'on exclut la consultation du père ou la consultation des gens vertueux, min al-nas, qabla al-zawaj, avant le mariage. Qala ta'ala, Dieu le très haut dit fi sourati ash-shura wasifan al-mu'minin, dans la sourate, la consultation, en décrivant les croyants avec cette description, wa amruhum shura baynahum. Ceux, ça veut dire les croyants, dont toutes les décisions naissent de leur consultation mutuelle. فَأَيْنَ تَنْفَعُ الشُّورَ إِلَّمْ تَنْفَعْ عِنْدَ الزَّوَاجِ. Donc à quoi sert la consultation si elle ne sert pas lors du mariage? وَأَعُودُ إِلَى آمِنَا. Et je reviens, mes frères et mes sœurs, vers آمِنَا. أَبُوهَا وَهْ سَيِّدُ قَبِيلَتِهِ بَنُ زُهْرَ. Son père, Wahb, était le maître de sa tribu, la tribu des fils de Zohra, Banu Zohra. Kama Abdul Muttalib, Abu Abdillah, exactement comme Abdul Muttalib, le père de notre héros d'aujourd'hui, Abdullah, Sayyidu Qabilatihi wa Sayyidu Makkah, était le chef ou le maître de sa tribu et le chef de la Mecque entière. Wa idha kana Abdu Allah, إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عبد الله إبراهيميا من أبيه عبد المطلب. Si عبد الله, le père du prophète paix soit sur lui, était ibrahimique du côté de son père عبد المطلب, ça veut dire la lignée était venait de d'Ibrahim. فآمنة إبراهيمية من أبيها وهب. De la même manière, Amina était ibrahimique par le biais de son père Wahb. Fahiya bint Wahb, elle est la fille de Wahb. Ibn Abdi Manaf, fils de Abdi Manaf. Ibn Zohra, fils de Zohra. Ibn Kilab, fils de Kilab. Wa tamshi silsila ila Ibrahim alayhi salam. Et la chaîne continue vers Ibrahim, paix soit sur lui. Et je fais la remarque que Kilab est le grand-père aussi, ou fait partie des grands-pères du prophète, paix soit sur lui. وإذا كان عبد الله إبراهيميا من أمه فاطمة جدة النبي صلى الله عليه وسلم. Et si Abdullah était ibrahimique du côté de sa maman Fatima, la grand-mère du prophète paix soit sur lui, كما رأينا, comme nous l'avons vu dans le passé, فآمنة إبراهيمية من أمها برة. Amina était aussi ibrahimique du côté de sa maman, Barra. فجد أمها الثالث, le troisième grand-père de sa maman, هو قصي ابن كلاب. C'était قصي ابن كلاب. C'était قصي fils de كلاب. يعني جد عبد المطلب. Ça veut dire le grand-père de عبد المطلب. باختصار, brièvement. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان إبراهيميا المئة بالمئة. محمد peace be upon him était ibrahimique à 100%. بمعنى, ceci signifie Abu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le père du prophète peace be upon him, Abdullah, كان أبوه وأمه من سلالة إبراهيم عليه السلام. Abdullah avait les deux, son père et sa mère, qui faisait partie de la lignée d'Ibrahim, paix soit sur lui. Wa ummu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la maman, la mère du prophète, paix soit sur lui, Amina, kana abuha wa ummuha min sulalat Ibrahim alayhi salam. Le père et la mère d'Amina, la mère du prophète, paix soit sur lui, son père et sa mère, les deux étaient ibrahimiques, faisait partie de la lignée d'Ibrahim alayhi salam. Idan fa Amina kanat al-mar'a al-mithaliya allati tunasib Abdullah. Donc Amina était la femme exemplaire qui convenait à Abdullah pour le mariage. Wal ithnani Abdullah wa Amina kana al-walidayn al-mithaliyayn المناسبين لمحمد صلى الله عليه وسلم. Et Abdullah et Amina, les deux étaient les parents exemplaires, convenables au prophète Muhammad, peace be upon him. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم, pour cette raison, il dit, paix et salut sur lui, إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. Certes, Dieu a élu de la descendance ou des enfants d'Ibrahim, Ismaïl. وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ بَنِي كِنَانَ. Et il a élu de tous les enfants d'Ismaïl les fils de Kinana. وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَ قُرَيْشًا. Et il a choisi parmi les fils de Kinana Quraysh. وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْش بَنِي هَاشِمْ. Et il a élu de la tribu de Quraysh les fils de Hashim. واصطفاني من بني هاشم. Et il m'a élu des fils de Hashim. Al hadith rawahu Muslim wa Tirmidhi. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Tirmidhi. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى وهو المختار من كل خلق الله تعالى وتبارك. Donc le prophète peace be upon him est l'élu et le choisi parmi toutes les créatures par Dieu le Très-Haut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Que les prières, les salutations et toutes les bénédictions soient pour notre maître Muhammad. Peace be upon him. Wa Abdul Muttalib zawaja ibnahu Abdallah min bani umumatihi bani Zuhra. Et Abdul Muttalib a fait marier son fils Abdullah de ses oncles ou des enfants de ses oncles à lui, Banu Zuhra, les fils de Zuhra. لأنه في الماضي هو كان قد تزوج منهم. Parce que dans le passé, lui aussi, il s'est marié à partir ou avec une femme de leur tribu. هالة التي تكلمنا عنها في الماضي, la femme qui s'appelait هالة, التي ولدت له حمزة وصفية أم الزبير بن العوام. Et هالة donna naissance pour عبد المطلب de son fils حمزة et sa fille صفية, la maman de الزبير بن العوام. فهالة وآمينة بنت عم. Regarde, suivez bien. هالة, l'épouse ou la femme de Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, paix soit sur lui, Hala et Amina sont des cousines paternelles. فالأب عبد المطلب donc le père عبد المطلب والابن عبد الله et le fils عبد الله تزوج من بنات عم. Le père عبد المطلب et le fils عبد الله se sont mariés les deux avec deux cousines. وهكذا فحمزة سيد الشهداء له ثلاث صلات بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi حمزة le maître des martyrs qui va tomber comme martyr dans la bataille de Uhud, Hamza avait trois liens, trois liaisons avec le prophète, paix soit sur lui. Al-oula, la première liaison, annahu ammu, il était son oncle. Fa Hamza akhu li Abdillah, Hamza est le frère de Abdullah. Al-thaniya, la deuxième, annahu ibnu binti ammi ummi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fils de la cousine de la mère du prophète, paix soit sur lui. Parce que Hala est la cousine de Amina, de sa maman. فَحَمْزَ كَانَ يَقُولُ لِأَمِنَ بِنْتُ عَمِّ أُمِّي. Donc Hamza disait à Amina, la cousine de ma mère. وَالثَّالِثَ Et la troisième, أَنَّ حَمْزَةَ أَخٌ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الرَّضَعَ. La troisième, c'est que Hamza était le frère de lait du prophète, paix et salut sur lui. Fathuwaybatu khadimatu Abi Lahab, Thuwayba, la servante ou bien la bonne de Abu Lahab, Abu Lahab am an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab est l'oncle du prophète, paix et salut sur lui, ardaat an-Nabi alayhi sallatu wa sallam, elle allaita le prophète, paix soit sur lui, à sa naissance. Wa arda'at qablahu fil madi Hamza, et dans le passé elle a allaité de la même façon Hamza, l'oncle du prophète, paix soit sur lui. Bima'na kana an-nabi alayhi salatu wa salam yaqulu li Hamza, brièvement le prophète, paix soit sur lui, disait à Hamza, akhi, mon frère, wa ammi, mon oncle, وَابْنُ بِنْتِ عَمِّ أُمِّي, et le fils de la cousine de ma mère. وَأَعُودُ إِلَى أَمِنَة, et je reviens maintenant, mes frères et mes sœurs, vers Amina. وَأَفْتَحُ قَوْسَيْنِ لِأَقُولِ, et j'ouvre des parenthèses pour dire, une parenthèse pour dire, هِيَ أَمِنَة وَلَيْسَتْ مِينَة, elle s'appelle Amina et non pas Mina. وهذه أخطاء يقوم بها الناس, il s'agit là d'erreurs commises par les gens. يحرفون الأسماء بجهل, qui déforment les noms par ignorance. بدل فاطمة, au lieu de dire فاطمة يقولون فاطيمة, ils disent فاطيمة, c'est-à-dire ils remplacent le A par ya, par i. Fatima, yaquluna Fatima. Wa badal Aisha, et au lieu de dire Aisha, yaquluna Aisha, au lieu de dire de Aisha, ils disent Aisha. Wa badal Ibrahim, yaquluna Ibrahim, et au lieu de dire Ibrahim, ils disent Ibrahim, ils enlèvent le i, yani yuziluna harfan. Wa badal Ismaïl, au lieu de dire Ismaïl, yaquluna Sma'in, ils disent Sma'in, ils enlèvent une lettre et remplacent une autre. Yuziluna harf al-hamza wa yughayyiruna harf al-lam bin-nun. Ismaïl devient Ismaïn. Wa badal Ali, Ali, yaquluna Ali, al-haj Ali. Au lieu de dire Ali, ils disent Ali. وبدل عمر يقولون عمر الحاج عمر. Et au lieu de dire Omar, ils disent عمر. بدل عبد الله, au lieu de dire عبد الله يقولون عبد الله, عبد الله, ils disent عبد الله, ils enlèvent carrément le D. وبدل عبد القادر, et au lieu de dire Regardez combien c'est beau lorsqu'on prononce les noms comme il faut. Abdul Qadir, Abdullah, Fatima, Aisha, Mohammed. Fahum badal Abdul Qadir, au lieu de dire Abdul Qadir, ils disent Abd Qadir. Yani, on s'éloigne du vrai nom. انظروا الى الفرق regardez la différence entre عبد القادر وعبد قادر لا حول ولا قوه الا بالله واحدثوا اسما فيه شرك. Ils ont inventé un nom qui contient de l'association وهو عبد النبي. عبد النبي يعني هذا لا يجوز, ceci n'est pas permis. عبد النبي, dans le monde arabe il existe des gens qui portent le nom عبد النبي. Ça veut dire le serviteur du prophète. فَإِسْمُ عَبْدْ لَا يُضَافُ إِلَّا لِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَبَارَكَ. Le nom serviteur, on ne peut l'ajouter qu'au nom de Dieu subhanahu wa ta'ala. مثل عبد الله, comme عبد الله, serviteur de Allah, ça veut dire de Dieu. عبد الحليم, serviteur de comment dire, du sage. عبد الرحيم, serviteur du très miséricordieux. Il a akhiré. فَإِذَا كَانَ الْأُمِّيُونَ فِي الْمَاضِي يَقُومُونَ بِهَذِهِ الْأَخْطَاءِ. Si dans le passé, les illettrés commettaient ce genre d'erreur, فَالْعَجَبْ هُوَ مِنَ الْمُثَقَّفِينَ الْآنَ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِنَفْسِ الْأَخْطَاءِ. Ce qui est étonnant, ce n'est pas les illettrés qui ont commis ce genre d'erreur, mais des gens qui sont passés par l'école et qui aujourd'hui répètent les mêmes erreurs. وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا. Comme s'ils disent, ainsi nous avons trouvé nos parents et on va faire comme eux. وَإِذَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُشْبِهُ يُوسُفْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي عِفَّتِهِ. Si Abdullah ressemblait à Joseph dans sa chasteté, فَأَمِنَا تُشْبِهُ الْبَتُولَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Amina ressemblait à Al-Batul, Marie. Que les salutations de Dieu soient sur elle. تُشْبِهُ الْبَتُولَ مَرْيَمَ فِي طُهْرِهَا وَعِفَّتِهَا. Elle ressemblait à Marie dans sa pureté. Et dans, elle était pure et dans sa chasteté. كَانَتْ طَاهِرَ قَبْلَ الزَّوَاجِ. Elle était pure avant le mariage. وَبَقِيَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَبْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. Elle resta avec son mari, Abdullah, trois jours ou trois mois, selon les versions des historiens. وَذَهَبَ مُسَافِرًا مِنْ غَيْرِ رِجْعَةٍ. Et il partit en voyage sans jamais revenir, sans retour. وبقيت بعده طاهرة نقية من غير زواج حتى الموت. Elle resta après son départ, son retour, son mariage. Elle resta pure et propre, son mariage, jusqu'à la mort. رغم شبابها, malgré sa jeunesse, malgré son âge qui dépassait de peu les vingtaines. هذا ما سنراه في الحصة القادمة بإذن الله. C'est ce qu'on va voir, inshallah, dans la séance prochaine, si on reste vivant et si Dieu le veut, inshallah. وبارك الله فيكم. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تجعلنا من أعدائك. اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون ويعملون بما تعلموا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب، كما جمعتنا في هذه الليلة حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معه غدا يوم القيامة أمام الحوض، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا جميعا من يده شربة لا نعرف الظمأ بعدها. اللهم كما علمتنا سيرته فعلمنا سنته، وساعدنا على العمل بها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تفرق بيننا وبين نبينا غدا يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.